du trépas, dans mes yeux, vois la terne lueur. Donne, ô donne, une main, dis mon nom, fais entendre quelques mots consolants, s'il ne peut être tendre. Des jours qui m'étaient dus, je n'ai pas la moitié. Laisse en aller mon âme, en rêvant ta pitié. Alfred de Vigny. 6. Ce même soir, c'était un beau soir d'automne. La lune, jetant une pâle clarté sur le rivage, donnait aux arbres de l'allée une ombre fantastique. Et la mer, la recevant dans son sein, en prenait une couleur argentée que chaque vague bondissante semblait déverser au loin. Depuis longtemps, un nouvel individu se promenait dans ce lieu, mais il était facile de s'apercevoir qu'il s'y trouvait bien moins par un motif de promenade que pour y attendre quelqu'un. Ses yeux restaient fixés sur la grille du château. Ce nouvel individu paraissait relevé de maladie. Ses traits gonflés étaient creusés en divers endroits. Une perruque couvrait sa tête. Ses paupières dépouillées de cils laissaient voir des yeux rouges et caves. La seule chose que la petite Vérole eût épargnée était une taille élégante et noble. À la fin, une robe blanche se dessina dans l'ombre. Alexis, vous devinez que c'était lui, se précipita criant « Julie, Julie, quel bonheur !» Mais l'air froid de Julie arrêta sur ses lèvres l'expansion de sa joie. « Que veut dire cet accueil ? Julie, ne me reconnaissez-vous plus ? Répondez donc ! Dites un mot, un seul, de grâce ! Mais je vous fais donc horreur que vous ne daigniez seulement pas lever les yeux sur moi ! Je suis bien aise de vous voir rétabli, monsieur Alexis. » Accablé par le ton cérémonieux de Julie, Alexis la regarda dans le plus grand étonnement. « Grand Dieu, quel changement chez vous, Julie ! Vous avez raison d'en être étonné, monsieur, car j'ai bien des reproches à me faire à votre égard, et je compte sur votre indulgence. Mais je rêve, mon Dieu, mais mes oreilles me teintent des paroles inintelligibles, mais mes yeux me trompent, mais ce n'est pas Julie qui est là devant moi. Julie, froide, sérieuse, comme si je n'étais pas Alexis. Calmez-vous, monsieur, je vous prie. Écoutez-moi un instant. Dis-moi d'abord que tu m'aimes. Dis-moi d'abord que tu ne m'as pas oublié. Je t'écouterai après. Je ne sais pas feindre, monsieur. Ah, n'achève pas, Julie. Il le faut, je dois parler. Vous laisser plus longtemps dans l'erreur serait un crime. Ne m'interrompez pas. Certes, vous me plaisiez. Mais il y a bien loin du sentiment que je ressentais pour vous à celui que vous nommez de l'amour. Je l'avoue, j'ai pris pour cette passion ce qui n'était que l'orgueil d'une femme qui voit qu'elle plaît. Aujourd'hui, la vérité m'est connue. Je ne dois pas vous la cacher. J'ai pour vous de l'amitié, l'amitié d'une sœur. Voilà tout, monsieur. Vous m'avez donc trompé, dit le pauvre Alexis, d'une voix qui allait à l'âme. Dites plutôt que je me suis trompée. Julie, Julie, vous me faites bien mal. Ne m'en voulez pas, monsieur. Excusez ma jeunesse, mon inexpérience. Alors, soyez franche, tout à fait, mademoiselle. Au moins, vous n'en aimez pas d'autre. Julie baissa les yeux, sans répondre. Vous n'en aimez pas d'autre, répéta Alexis exaspéré. Car, voyez-vous, plutôt que de vous voir à un autre, « Malédiction ! Je n'hésiterai pas, Julie, je préférerais votre mort. » Julie fit un mouvement d'effroi. « Julie, épargne-moi. Si je ne te plais plus, dis-moi au moins qu'un autre ne te plaît pas davantage. Laisse-moi un peu d'espoir, Julie, par pitié. Ce serait mensonge. »« Mais vous ne craignez donc pas mon désespoir, mademoiselle, que vous m'assassinez avec tant de barbarie ?» Mais vous ne savez donc pas qu'il me prend une envie irrésistible de finir mon tourment, de mettre un terme à votre cruauté, de vous enlacer de mes bras et de vous précipiter avec moi dans cette vaste mer, là, qui bouillonne à nos pieds. « Monsieur !» cria Julie, se reculant, car Alexis avait saisi sa main qu'il serrait avec force. « De quoi as-tu peur ? » dit Alexis avec amertume. « De moi ? Qui suis-je, moi ? Qu'un esclave dévoué à tes ordres, qu'un vain jouet de tes caprices de jeune fille. Va, ne crains rien, pour toi, du moins, Mon Dieu, je suis bien malheureux !» Et de grosses larmes coulaient sur les joues d'Alexis. Et Julie avait honte d'elle, et ne se sentait ni la force de fuir, ni le courage de supporter une douleur qu'elle causait. Toutefois, elle fit un pas pour s'éloigner. C'était l'heure du reflux, l'eau montait, les vagues s'accumulaient les unes sur les autres et venaient en gémissant mourir sur le rivage. Voyant monter l'eau, Alexis jeta de ce côté un regard désespéré. Puis, retenant Julie par le pan de sa robe, il s'agenouilla devant elle. « Julie, pitié et amour ! Amour et pitié ! Julie !» lui dit-il d'une voix creuse. « Où l'eau qui monte m'ensevelira ici, à cette place !» Et l'eau croissait toujours. Mais l'inconstante dégagea sa robe. Elle s'enfuit en courant, sans laisser tomber un regard sur celui qu'elle laissait, sans écouter les plaintes touchantes qui l'accompagnèrent jusqu'au moment où la grille de fer, se refermant sur elle, vint apprendre à Alexis que tout espoir était perdu pour lui. Elle se coucha, la volage fille, elle s'endormit. Aucun rêve sinistre ne vint troubler son sommeil. Le lendemain l'éveilla, fraîche et rieuse, elle se leva, courut au jardin pour cueillir des fleurs dont elle para son front sur lequel le souvenir de la veille s'était déjà effacé. Puis, poursuivant en folâtrant sa course matineuse, elle sortit du château, traversa l'allée de peupliers, s'avança sur le bord de la mer pour jouir de l'effet du soleil levant. Alors la mer était basse, et le cadavre d'un homme noyé gisait sur le sable. « Pauvre Alexis !» dit Berthe, joignant les mains et cherchant Alphée du regard. Alphée n'était plus là.